Les écoles primaires et secondaires pour orphelins de Pyongson, nouvellement construites, sont inaugurées. À la cérémonie d'inauguration, tenue le 15 courant, ont pris part les cadres des organismes du parti du pouvoir, des organisations des travailleurs de la province du Pyongan du Sud, bâtisseurs, personnel enseignant et administratif et élèves des écoles. Les écoles sont munies de toutes les conditions nécessaires à l'étude et à la vie des orphelins, conformément à la demande pédagogique.